On a le plaisir maintenant d'être en compagnie d'Alex Alice pour parler de son château des étoiles. Alex Alice, bonjour. Bonjour. Alors, le contexte, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas cette série, l'histoire parle de la conquête de l'espace, mais est racontée en fonction des connaissances et des hypothèses qu'on avait à la fin du 19e siècle. Oui, tout à fait. C'est bien résumé. Qu'est-ce qui vous lance vers une piste comme celle-là, justement? Est-ce que c'est un peu le plaisir, en fait, c'est un esprit rétro-futuriste, dans le fond, donc se dire, OK, si l'histoire avait progressé, mais si, dans le fond, les hypothèses à l'époque étaient véridiques, finalement? Donc. Historique, ce serait passer différemment et redonner une histoire différente, un peu alternative. Le Château des Étoiles, c'est ça, c'est un petit peu ça, mais c'est aussi l'idée de dire, OK, non seulement si l'histoire a été différente, mais si les lois de la physique avaient été celles qu'on supposait au 19e siècle. Donc, si le cosmos avait eu la forme que les scientifiques lui donnaient au 19e siècle. Donc, c'est une eucosmie. et donc, je vais aller chercher dans les hypothèses de cette époque, donc l'existence de l'éther, qui est une substance dont on supposait l'existence au-delà de l'atmosphère, et puis aussi le fait que les astres, et notamment la Lune, mais aussi Mars, Vénus, vont être tels qu'on les imaginait à l'époque. Et c'est une vision très poétique, en fait, de l'espace. Et d'une certaine manière, il faut gratter un peu déjà dans les connaissances littéraires, dans les connaissances scientifiques de l'époque pour comprendre comment ils s'imaginaient, quelle logique scientifique il y avait derrière leurs hypothèses, qu'il y avait quand même une certaine logique fonctionnelle dans ce qu'ils proposaient. Oui, tout à fait. Alors, bon, l'histoire, cela dit, et pas celle-là, l'histoire, c'est celle de Séraphin, qui est le héros du récit, qui a une dizaine d'années, et qui voit dès la première scène sa mère partir dans une tentative de voyage en ballon au-delà des altitudes déjà atteintes à l'époque, et à la recherche justement de ce mystérieux fluide qu'elle appelle l'éther. Cette scientifique, cette exploratrice, cette aventurière disparaît dans ce premier voyage, laissant un mari et un fils. Et Séraphin va recevoir un an plus tard un courrier mystérieux qui va le lancer sur la piste du carnet de bord de sa mère. Et il va se retrouver à voyager jusque dans la Bavière du roi Ludwig et à monter de fait un programme spatial en plein 19e siècle avec les moyens de l'époque. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que va raconter notamment le premier tome. Mais c'est vrai que j'essaye, au fur et à mesure du récit, de ramener le lecteur dans à la fois dans l'histoire de l'époque, parce que c'est vraiment basé sur le contexte historique de 1869, donc c'est vraiment, on commence dans la réalité, et puis d'amener le lecteur contemporain aussi dans les connaissances et les hypothèses de l'époque, et le ramener à ce moment effectivement où on connaissait pas la face cachée de la Lune, on vient de prendre les premiers clichés de la Lune, on commence à observer Mars, et les optiques commencent tout juste à permettre de distinguer des choses, des traits de surface, mais on n'est pas bien sûr de ce qu'on voit, et d'ailleurs on va faire des hypothèses qui s'avéreront complètement fausses, et où par exemple Vénus, on la voit au télescope, on n'aperçoit pas la surface, on voit une surface totalement uniforme, on se dit ça doit être des nuages. Et le fait est que Vénus est couverte de brume, et on se dit Vénus est plus près du soleil, il fait chaud, il y a des nuages, ça doit être très humide et chaud, il y a des jungles. Et comme on pense que les planètes plus près du soleil sont plus jeunes, on pense que la vie en est à un état antérieur par rapport à la Terre, et donc on imagine qu'il y a des dinosaures, donc on voit Vénus comme une jungle peuplée de dinosaures. Et ça, c'est pas de la science-fiction, ce sont les hypothèses scientifiques de l'époque qui sont faites, pas par des gens qui sont bêtes, mais par des gens qui ont moins d'informations qu'aujourd'hui. Donc c'est à la fois scientifique, ça a une dimension scientifique et une dimension complètement fantastique pour le lecteur d'aujourd'hui. C'est cet imaginaire là que je voulais explorer. Et en même temps, j'imagine que c'est pas non plus évident à bien amener à l'intérieur du récit, parce que vous avez, comme vous dites, le contexte historique, dans le fond, qui est véridique, ou du moins le point de départ, donc avec les rois, les luttes politiques et le reste. Et tranquillement, à l'intérieur de ça, ben là, on développe justement ces hypothèses-là qui, aujourd'hui, nous semblent farfelues, qui ne l'étaient pas du tout à l'époque, comme vous disiez, et que vous traitez, ou qu'il faut traiter comme elles étaient traitées à l'époque, avec sérieux et pas avec... c'est pas comme si c'était de la science-fiction. Pour eux, c'est la réalité. Et donc, tranquillement, j'imagine d'amener le lecteur à accepter que c'est la réalité et accepter qu'on n'est pas dans des élucubrations, si on peut dire. Oui, c'était le grand défi pour ce récit, dans la mesure où toutes les hypothèses scientifiques que je mets en place sont... Enfin, pas toutes, mais enfin voilà. Ce que j'amène dans ce récit, on sait aujourd'hui que c'est complètement faux. L'existence de l'éther, la possibilité d'une vie sur Vénus, qui en fait est un enfer, avec une atmosphère saturée d'acide, voilà, et une pression pas possible. Enfin, c'est un enfer total. Et c'est vrai que ça m'a longtemps refroidi sur ce sujet que j'avais vraiment envie de traiter. Je me disais, comment on fait pour faire en sorte que le lecteur y croit aujourd'hui? Et je pense que c'est une question de conviction de l'auteur. C'est-à-dire que quand j'écris cette histoire, j'essaye vraiment de me mettre dans l'état d'esprit de l'époque. Donc j'ai des livres de vulgarisation scientifique de l'époque. Je me plonge dans cet état d'esprit, et quand j'écris, j'y crois au fond. Au fond, je me suis rendu compte que c'était plus facile pour moi, même sachant pertinemment ce qu'il en est de notamment par exemple de l'atmosphère de Vénus, mais qu'il était plus facile pour moi d'imaginer une jungle peuplée de dinosaures couverte de brume que d'imaginer ce que c'est réellement. C'est-à-dire que c'est tellement au-delà de notre expérience humaine. Les sondes qu'on a envoyées là-bas sont écrasées et dissoutes par la chaleur, la pression, l'acide. C'est proprement inimaginable. Et en fait, du coup, je me suis... c'est difficile. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile pour moi de me projeter dans l'imaginaire de l'époque. Et finalement, j'y arrive assez bien. Et je pense que, comme je le traite avec le plus de sérieux possible... c'est en tout cas comme ça que j'essaye d'amener le lecteur dans ce récit. C'est-à-dire, c'est un univers dont il serait facile de rire, parce que ce qu'on pensait à l'époque aujourd'hui peut sembler ridicule. Je mets un point d'honneur à le traiter le plus sérieusement possible, même si il y a beaucoup d'humour dans le récit. En tout cas, l'idée pour moi, c'est jamais de rire de cet univers, mais d'essayer de rire à l'intérieur de cet univers, et pas de décrédibiliser Et même, en fait, l'avantage de la BD, c'est qu'il y a évidemment le côté scénaristique, mais aussi le côté visuel qui peut venir apporter une crédibilité, si on peut dire, à l'environnement qu'on propose. Et dans ce cas-ci, en fait, vous avez décidé quand même de vous éloigner de votre style visuel des précédentes séries. Bon, on pense à Damoclès, Troisième Testament aussi, et aller vers quelque chose, c'est Siegfried ou Troisième Testament, pardon. Et vous avez utilisé, en fait, une approche qui est basée essentiellement sur la couleur directe. Comment s'est passé un peu le développement? En fait, j'imagine du constat où on dit, OK, ça peut pas marcher si je vais dans le même style, jusqu'au développement, dans le fond, et au choix de ce style-là qui était crucial dans le succès, dans le fond, dans le fonctionnement du Château des Étoiles. Oui, en fait, donc la technique que j'utilise, c'est ce qu'on appelle la couleur directe. Donc tout est fait sur la même page. Déjà, bon, c'est fait dans le réel. J'utilise pas d'ordinateur pour la création des pages. Pas directement, peut-être qu'on en reparlera après. Mais donc les pages existent en vrai, exactement telles qu'elles sont dans l'album, avec le lettrage, la couleur, le trait, absolument tout. D'autre part, je n'utilise pas, je fais pas de traits à l'encre comme dans mes précédentes séries. Mes traits sont au crayon et peuvent être assez légers. Et beaucoup de choses sont faites uniquement à la couleur. Donc c'est une technique assez spécifique que j'ai. Alors, je suis pas évidemment pas le seul à faire de la couleur directe, mais cette manière-là précise, je l'ai pas vue ailleurs. Il y a un premier crayonné au crayon orange, puis en noir, puis des couleurs à l'encre. C'est une technique qui me fascine depuis longtemps, qui est pas facile à maîtriser. Je pense que j'aurais pas pu m'y mettre tout de suite sur mes premiers albums, parce que je pense qu'il faut une certaine... il m'a fallu une certaine pratique avant de pouvoir m'y mettre, parce qu'il y a vite une tentation de faire des images trop poussées, très réalistes, et qui du coup figent la lecture. Alors c'est ce que je fais régulièrement pour justement arrêter la lecture et porter l'attention sur une case particulière, un grand décor, un moment particulier de l'histoire où j'ai envie de figer un peu les choses. Mais si on commence à faire ça sur les personnages, on va vite avoir un aspect roman photo, mm-hmm. où les cases ont l'air de s'arrêter. Donc c'était important pour moi de garder un trait, de garder un aspect graphique. Et puis après, c'est intéressant, c'est effectivement de réinventer tout le traitement de la couleur autour. Parce que ce que j'ai fait jusqu'à présent, surtout sur Ultimate Testament, était beaucoup basé sur le noir. C'est une composition au noir, c'est une histoire assez sombre, avec un éclairage à la bougie et des ombres très, très, très franches. Là, au contraire, il n'y a pas de noir, et c'est justement, ça correspondait à ma volonté d'avoir un univers plus léger, plus merveilleux, plus expressif à la limite et, peut-être. Oui, ou différemment, en tout cas, oui, différemment expressif, voilà, sur un registre différent, et puis aussi de pouvoir retrouver une notion de mystère, comme une partie des traits sont pas cernés. Il y a, je pense que le lecteur peut plus. C'est un peu la magie de l'aquarelle. Mais l'aquarelle, il y a besoin de mettre très très peu de choses, et puis en fait le spectateur fait le reste. Et là, c'est un peu la même idée. Également, les albums sont extrêmement denses en termes de narration. Il se passe beaucoup de choses. Je voulais retrouver le type de densité de narration qu'on a dans un Tintin, par exemple. C'est-à-dire des albums qu'on lit. Qui demande un certain temps de lecture. Il y a 60 pages, il y a jusqu'à 16 cases par page, par endroit, ce qui se fait plus trop en fait en bande dessinée contemporaine. Enfin, on ose un peu, on fait autant dans le style visuel qu'autant dans la mise en page, enfin en faisant des choses qu'on fait peut-être un peu, qu'on se permet peut-être un peu moins de faire, oui. En se disant peut-être faussement que au niveau de la page de narration que ça va faire décrocher le lecteur, alors que non, dans le fond, si l'album, si on réussit à faire quelque chose qui marche, qui est cohérent, mais le lecteur va embarquer, et le lecteur est capable de lire. Peu importe son âge. Oui, c'est ça. Je pense effectivement, à partir du moment où on a réussi à capter l'attention du lecteur, je pense qu'il est capable et volontaire de suivre sur même des pages assez chargées. Après, la question effectivement, c'est que comme les pages peuvent avoir. Alors là aussi, il y a une grande amplitude. J'ai des pages avec une seule case, des pages avec 16 cases. Mais pour pouvoir me permettre 16 cases, j'ai besoin d'une simplicité. J'ai une page à 18 cases à un endroit. J'ai besoin d'une simplicité dans le traitement graphique pour pas avoir quelque chose d'absolument étouffant. Donc du coup, pareil, en termes graphiques, ça va pouvoir. Là aussi, j'ai une grande amplitude. Je peux avoir des endroits où je peux être assez réaliste et détaillé, et avoir des cases au contraire ultra simples où je m'arrête très très vite. Parce que justement, il faut à la fois pas alourdir la page et puis permettre une narration fluide. Donc c'est hyper intéressant pour moi. C'est aussi une nouvelle recherche, et c'est beaucoup de possibilités nouvelles à explorer. Et puis de temps en temps, j'allais vous dire, en fait, j'ai l'impression que c'est le genre d'album, puis le genre de projet qui est genre de série qui ouvre des portes par après, en disant c'est de se donner l'opportunité de réinventer un peu son style sans le renier non plus, mais dans une continuité. Après ça, on se dit est-ce que le prochain, je vais dans une autre direction, ou est-ce qu'on va encore plus profondément dans la direction, dans la porte qu'on a ouverte finalement? Il est important pour moi de garder une continuité entre les albums. Après, ce qui est intéressant, c'est que l'univers lui-même évolue. Le premier album se passe beaucoup sur Terre, en France, puis en Bavière. Le deuxième nous emmène dans l'espace, puis sur la Lune. Pas trop spoiler, mais le deuxième cycle que je suis en train de commencer, c'est sur Mars, ça commence en Bretagne. Donc à chaque fois c'est des environnements nouveaux, avec des nouvelles questions pour moi, comme c'est effectivement une technique qui est nouvelle pour moi et sur laquelle j'ai pas énormément de références. Donc j'avais je dessine la mer, donc comment est-ce que je fais la mer avec cette technique, c'est très différent de ce que je faisais avant, donc on est constamment en appropriation, voilà. Et c'est passionnant et stimulant, et en plus pour vous aider un peu dans tout ça, vous avez aussi des modèles, dans le fond des appareils, le scaphandre aussi, donc des éléments comme ça. Vous avez été vers la 3D, vers des modèles papier, vers des choses pour tester même la lumière, donc pour pousser un peu plus loin dans le fond le réalisme de la représentation, la crédibilité de la représentation. Oui, j'avais besoin de, là aussi, dans cette idée de rendre cet univers concret et crédible, j'ai tout de suite eu envie de faire des maquettes. Alors moi j'ai fait des maquettes en papier pour avoir un peu la forme générale, et puis j'ai demandé à un maquettiste qui s'appelle Jacques Primo de me faire notamment l'Eternef, donc l'appareil qui va rendre possible ce voyage, et donc j'ai une très belle maquette à l'atelier. Est-ce que vous lui avez donné un cadre précis en disant mais voici ça ressemble à ça, ou une certaine liberté pour voir un peu comment lui allait matérialiser, si on peut dire, l'idée? Non, j'étais très très directif, mais par contre j'ai eu beaucoup de retours de sa part, ce qui moi m'a fait changer mon design sur certains aspects, parce que lui étant dans l'impératif de faire exister les choses dans le réel, il va avoir des contraintes que moi j'ai pas. Et également c'est un très grand connaisseur de des premiers temps de l'aviation. Et il m'a montré et appris quantité de choses sur la manière dont on construisait ces appareils. Donc au final les plans étaient très précis, mais ils ont été influencés par les échanges qu'on a eus. Et à ça, donc, on parlait d'un nouveau style d'un point de vue visuel, le défi narratif, dans le fond, du réalisme avec l'imagination réaliste de l'époque, si on peut dire. Et à ça, vous avez ajouté aussi un contexte d'édition qui était quand même assez différent de vos autres travaux. Donc, initialement, pour le contexte, ça a été édité en journaux, donc qui contenait un épisode de la bande dessinée, mais aussi des articles autour de l'univers qui venaient amplifier l'univers, mais qui n'ont pas été non plus portés à ce jour en format album, qui donnait, j'imagine, un rythme un peu plus feuilleton aussi. Référence évidemment au 19e siècle, à la bombe de parution de l'époque, mais j'imagine que ça change aussi l'approche créative en disant, mais ok, là c'est un autre rythme dans le fond complètement. Oui, en fait, dans chaque album, il y a trois chapitres, et chacun de ces chapitres donc est pré-publié quelques mois avant, sous forme de gazette, donc d'une vingtaine de pages. Et là où c'est passionnant, c'est que effectivement, c'est un rythme de feuilleton. On a un peu oublié que les grandes parties des grands écrivains du 19e siècle travaillaient comme ça, comme des feuilletonistes. Et c'est aussi une forme qu'on retrouve aujourd'hui dans la série télé, évidemment. Donc c'est à la fois très contemporain, très très en lien avec l'époque que je traite. Donc j'avais vraiment envie de faire ça. J'étais très content que mon éditeur Rue de Sèvres me suive là-dessus. Et en termes d'écriture, c'est passionnant parce que il y a la logique d'essayer de raconter quelque chose qui est vraiment du contenu en 20 pages. Et puis aussi d'avoir une fin qui donne envie de se propulser sur la suite. Donc c'est une super contrainte en fait. Et c'est un peu le plaisir justement en se disant tant qu'à aller chercher des contraintes à différents axes, allons-y à fond dans le fond dans l'expérience. Parce qu'au départ, j'imagine pour vous, ça devait être une mise en danger comme ça, de se lancer dans un projet. Bon, ça a bien marché. Vous êtes plus assis maintenant dans l'esprit de cette série-là, mais au départ, c'est un peu un saut de l'ange presque. Oui, je dois dire effectivement, il y avait beaucoup de choses qui étaient à la fois en termes de technique, d'univers, qui étaient moi j'avais une grande conviction par rapport à tout ça, mais pas de certitude, et j'étais très content effectivement que le public réponde bien à ce récit et au format qu'on avait choisi. Oui, effectivement, c'était assez risqué, ce que certains éditeurs n'ont pas manqué de me souligner quand j'ai lancé le projet. Mais peut-être aussi en termes de positionnement du récit, c'est-à-dire que c'est pas un livre pour les enfants, mais c'est un livre qui est une série qui est aussi pour les enfants. Et c'était aussi l'idée de renouer avec cette idée d'une histoire pour les enfants de 7 à 77 ans, pour les jeunes de 7 à 77 ans, donc c'est qui est quelque chose qui est moins, qui était une évidence en BD francophone et qui est devenu un peu moins audible depuis que le marketing s'est un peu emparé de tout ça, et où la bande dessinée en France, à force d'avoir expliqué que c'était pas que pour les enfants, on a du mal à en faire maintenant pour les enfants. Et il y a, Il y a une grande distinction dans les librairies, il y a un rayon pour les enfants, il y a un rayon pour les adultes, et c'est difficile de mettre un bouquin entre les deux. Entre les deux, c'est le couloir, et les gens marchent dessus. Donc là aussi, c'était pas évident, et ça reste une question d'ailleurs, toute bête, mais que me posent beaucoup les libraires en France, c'est bah, pour qui, on France, le met où, et voilà. Et, mais là aussi, ça a l'air de le message a l'air de passer, effectivement, de dire... j'ai l'impression que je vois en dédicace des familles où les parents le lisent, les enfants le lisent. C'est fun de pouvoir partager autour d'un livre, en fait, l'expérience qu'on a, parce que j'imagine aussi que la lecture que les parents vont avoir du Château des Étoiles, puis des enfants, on ne retiendra pas nécessairement la même chose. Il y a un contexte social, il y a le contexte historique, il y a l'aspect, l'aventure, l'imaginaire, ça fait rêver, ça nous rappelle aussi que l'époque de cette époque-là n'est pas si différente non plus que notre époque aujourd'hui, qu'on a des dilemmes qu'eux ont. Donc, il y a quand même plusieurs niveaux de lecture aussi qu'on insère pour justement que ça puisse se retrouver dans les deux étals, si on peut dire. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai pas mal de lecteurs adultes qui me disent non, mais ça, c'est pas pour les enfants. Enfin, qui vraiment le prennent pour eux parce que justement, il y a le contexte historique et politique qui est pas compliqué. Ah si, qui est vraiment compliqué, mais qui est amené d'une manière, j'espère, compréhensible, mais qui est pas éludé. C'est-à-dire, effectivement, il y a une page où je rappelle le contexte historique de l'Allemagne à cette époque-là. Mais donc il y a des adultes qui s'imaginent que comme il y a tout ça, c'est un problème pour les enfants. Mais en fait, je crois pas. La question, c'est comment on amène une curiosité qui fait que même un lecteur plus jeune va avoir envie de s'intéresser à ça. Bah, c'est parce qu'il va suivre le héros et il va avoir envie de savoir ce qui se passe. De toute façon, il n'y a rien de pire que de sous-estimer les enfants aussi, puis ce qu'ils sont capables d'apprendre puis de recevoir, à mon sens. C'est vrai que c'est quelque chose. C'est vrai aussi, par exemple, pour le vocabulaire. Moi, je me censure jamais sur la complexité du vocabulaire. Je fais simplement en sorte que. S'il y a des mots compliqués, ils y sont, je les enlève pas, je fais simplement en sorte qu'on puisse suivre le récit, l'essentiel du récit, même si on n'a pas compris tel ou tel mot. Pareil pour les quelques notions de scientifiques ou d'histoire qui sont dans le récit. J'essaye de faire en sorte que voilà. De pas hésiter à les exposer à ces notions-là. Ceci dit, moi j'ai lu Jules Verne enfant, c'est bourré de mots compliqués, ça me posait pas de problème parce que j'avais envie de savoir ce qui allait arriver à Ned Land et au professeur Aronnax. Donc je suis parfois surpris de ce qu'on n'ose pas donner aux enfants. Puis en même temps là j'étais il se trouve au festival de la bande dessinée francophone, j'ai dédicacé juste à côté du rayon comics, et j'étais absolument scié de voir le nombre d'enfants qui débarquaient en disant ah, Walking Dead, ah, il y a une BD. Mais comment ça? Mais vous avez quel âge? Effectivement, c'était des super jeunes ados, quoi. Enfin, je leur ai pas demandé, mais. Donc, là, pour le coup, moi, j'irai pas mettre Walking Dead entre les mains des enfants, c'est pas du tout ce que je veux dire, voilà, je pense que je suis régulièrement frappé de voir qu'on sous-estime les capacités de compréhension des enfants. Et après, encore une fois, l'exemple de Walking Dead n'est pas du tout bon, mais parce que vraiment, je pense qu'il faudrait pas que des enfants lisent ce genre de choses. Mais justement, peut-être qu'on les prend trop pour des gamins dans ce qui de manière péjorative, dans ce qu'on leur propose, adapté à leur âge, il y a un côté, ah tiens, vas-y, donc c'est peut-être trop sucré, trop simple, trop... Voilà, donc j'essaye de proposer quelque chose qui, pour les enfants, soit... c'est pas que pour les enfants, mais justement, qui les méprennent pas pour des idiots, et puis qui ait une certaine complexité, une certaine... qui soit à la fois positif, mais qui élude pas une certaine noirceur... De sentiments et qui fasse en sorte que qu'il soit, j'espère, adapté pour eux aussi. Et on peut découvrir tout ça, évidemment, je le rappelle. Mais sans zombies. Oui, exactement. Dans le Château des Étoiles. Donc, pour les jeunes de 7 à 77 ans, comme on l'a dit. Donc, je te dis un coup d'œil, évidemment, si ce n'est déjà fait. Alex Alice, merci beaucoup. Avec plaisir.